Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon. Trois. Où est Gus Rae, voulait-il un fils? Un homme maigre, ouave, thin man, avec une guitare. Un homme infiniment mobile, qui connaît l'autostop et les trains de marchandises. Un homme présent où ça lutte, dans les grèves, au devant des colères. Un homme qui se met à l'écoute des grandes voix, chante avec ceux qui ont appris en prison, ou dans l'immense pauvreté des Noirs. Bob Dylan? Non, pas encore. Mais celui qui a affiché sur sa guitare « This machine kills fascists », Woody Guthrie. Way up yonder on a mountain road, I had a hot motor and a heavy load. I was going pretty fast, I wasn't even stopping. I was bouncing up and down like popcorn a popping, had a breakdown. Sort of a nervous bust down of the mechanism there, some kind of engine trouble. Il faut revenir à cette année d'entre Ebbing, l'adolescence, et l'arrivée à New York. L'année où le fils aîné de cette famille moyenne, marchande d'électroménager, entre à l'université de Minneapolis avec sa chambre dans la résidence juive de la cité universitaire. Dans le hall de la cité U, il y a un piano droit. Il est celui qui en joue constamment. Il a revendu sa guitare électrique pour une acoustique Martin d'occasion. Ses copains l'appellent Bobby, Bobby Zimmerman. Minneapolis, pour ce gamin qui depuis ses 14 ans passe son temps à jouer dans des groupes qu'il forme, c'est aussi la découverte des livres. Probablement plutôt Dickens, Dostoïevski. Et pour les poètes américains, Yeats ou Edgar Poe. Rimbaud ou le mouvement beat, ce sera un petit peu plus tard. Il ne va pas en cours. Il dit « On jouait toute la nuit, alors le matin je dormais, je me levais à midi. » Je ressortais la guitare. Il ne restera pas longtemps à la cité U de la fraternité juive et s'hébergera sur les canapés des copains ou dans la chambre que lui prête la nouvelle petite amie, Bonnie Beecher. Et les amitiés de ceux avec qui il joue de la guitare le soir ou bien à qui il emprunte les disques, il les conservera dans le succès. C'est Dave Whitaker ou Tony Glover. C'est Tony Glover qui lui met dans les mains l'autobiographie de Woody Guthrie, En route pour la gloire. Et la vie de Bob Dylan bascule. Well, in all the oil field booms that I've valley. Chased and followed, there's one thing that is true of almost all of the oil fields, especially the ones that broke out on the West Texas plains. C'est pour cela qu'on voudrait en savoir plus sur l'année Minneapolis. L'année où on se forge soi-même dans la glace d'homme, où on prend le jeune pianiste étudiant et qu'on le refabrique en clochard à guitare, parce que seuls les clochards sont célestes, la poésie vous l'a dit. Bonnie Beecher, la petite amie de Minneapolis, une de ses petites amies, parce qu'elle est compliquée, la vie sentimentale de Bobby, dit que pendant quelques semaines, il exige qu'on l'appelle lui-même Woody. Et à l'automne, plutôt que raconter qu'il avait été jusqu'à Denver et retour, où on ne l'avait pas laissé chanter, il dit qu'il revient de Californie, en train, sur les traces mêmes de Woody Guthrie. Est-ce que le monde tout d'un coup se renverse, parce qu'on comprend que la chanson n'est rien sans le personnage qui la porte? Les chansons passent de l'un à l'autre, les chansons n'appartiennent à personne, parlent d'histoires qu'on porte chacun dans la peau, mais qu'il faut bien, avec la voix, que le personnage qui vous l'a dit ressemble à ce qu'il vous offre. Et si Robert Zimmerman, petit-fils d'un Zigman, parti un jour de Trébizonde ou d'Odessa, fils d'un marchand d'électroménager dans une ville de mines et de chemins de fer, n'a pas de légende, qu'est-ce qui l'empêche de s'effacer lui-même, d'inventer un homme histoire et l'appeler Bob Dylan, bien avant qu'il soit Bob Dylan? N'empêche qu'en attendant, il apprend les accords et les textes. Quelques copains ont des disques. Dylan dit qu'à cette époque, il lui suffisait d'écouter deux fois une chanson pour retenir les accords, la mélodie. Il a un gros cahier dans lequel il note les paroles. Tony Glover, le copain musicien, qui l'année suivante est le premier à l'enregistrer sur un magnétophone amateur, dit qu'il en a 120 environ de chansons recopiées. Celle de Guthrie, de Lead Belly, de Cisco Houston, qui est, comme le fils adoptif de Woody Guthrie, a enregistré avec lui, ou bien Ramblin' Jack Elliott, qui n'est pas l'aîné de beaucoup de Dylan, n'aura pas non plus sa carrière, mais reste un chanteur d'une force étonnante. Cela, à New York, il les croisera pour de vrai. La bascule, elle était prête. Ces mômes ont été élevés dans la révolution du rock, de Buddy Holly à Elvis Presley. Et par eux, ils découvrent la musique noire, le lointain son du blues, âpre, rigoureux. Mais que les petits blancs, ils ont aussi leur blues. Les chansons des pionniers américains, ceux qui ont marché le long des rails, ont traîné des troupeaux, ont construit, là où s'arrêtaient les bateaux, l'ébauche de ces grandes villes qu'ils connaissent. Et cela, on les a enregistrés dès la fin du dernier siècle. On a collecté leurs airs et paroles. La nouveauté, la communauté qui se constitue, c'est de les jouer exactement comme ils ont chanté. C'est une bonne école, mais c'est une impasse. C'est là où il en est, Dylan, au terme de l'année Minneapolis, à un constat. Woody Guthrie, s'il est différent des autres, c'est que sa musique, il l'inventait. Et il ouvrait au monde sans origine des immigrants blancs, ces hommes sans identité, qui retrouvaient dans les brumes des grands lacs du Nord, un peu de leur vie à Odessa en mer Noire, l'instance de vérité dont les fils de l'esclavage, les Noirs du vieux blues, disposaient d'avance, eux, en récompense. Alors, se vouloir le fils de Woody Guthrie, ça va servir à ça. Oublier le folk appris. Le folk, c'est l'archéologie rurale, jargon de l'authenticité, recopier, faire le plus pareil possible. Woody Guthrie prend tout cela et l'éjecte dans les combats du présent. Il est fragile, il est maigre, il est léger, presque aérien, mais il met sa guitare dans les trains, dans les grèves. Et c'est pour approcher l'homme mythique, Woody Guthrie, que Dylan va lire Kerouac, sur la route. Découvre l'existence de ces poètes, Ginsberg, Ferlinghetti, Gregory Corso, qui cette année 1959 enregistrent leur première lecture à voix haute, sont en poésie ce que Woody Guthrie est à la musique. Ainsi, Robert Zimmerman devient Bob Dylan. I'm out here a thousand miles from my home. Je suis perdu là, 1000 kilomètres de chez moi. Walking a road, other men have gone down. Marchant sur une route où tant d'autres se sont perdus. I'm seeing your world of people and things. Je le vois, ton peuple et ton monde. Here paupers and peasants and princes and kings. Vous, les pauvres, les paysans, les princes, les rois. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song. Woody, je t'ai écrit une chanson. About a funny old world that's coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough. Cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Lead Belly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men. Parce qu'ainsi sont faits les cœurs et les mains des hommes. That come with the dust and are gone with the wind. Qui sont sortis de la poussière, furent soufflés par le vent. I'm tomorrow, but I could leave today. Je partirai demain, j'aurais pu partir aujourd'hui. Somewhere down the road someday. N'importe où, n'importe quand, la route. Si c'est ça l'ultime chose que j'aurais à faire, de dire que moi aussi j'ai brinque-ballé et dur. Il dira plus tard avoir écrit ce texte à New York, après leur rencontre. Mais d'autres témoins jurent de l'avoir entendu chanter son chant pour Woody dès Minneapolis et Chicago. Dans le choc de la lecture du livre, Dylan s'invente par sa première chanson écrite une rencontre imaginaire avec Woody Guthrie. Et ce qu'il invente, c'est l'histoire de ce personnage qui a nom Bob Dylan. Le chanteur qu'il est désormais, c'est celui qui doit toute son histoire à Woody Guthrie. Dylan dira plus tard que si on veut le comprendre, lui, il faut aimer les puzzles. Dans ce premier texte, le texte de la dette, l'hommage à Woody Guthrie, la vie qu'il s'invente est certainement une des premières pièces de ce grand puzzle. Ce n'est pas du mensonge, non, juste un art du temps. C'est l'usage du conditionnel. On aurait pu voyager, on aurait pu trimer, prendre les trains de marchandises, pratiquer dans l'autostop, être pris dans les grèves, mais on était fils de marchand d'électroménager à Ebbing, Minnesota. On a découvert Woody Guthrie par un livre, dans sa première année de fac. Alors le personnage imaginaire que vous êtes, quand vous jouez de la guitare, c'est celui que vous vous inventez vous-même. Toute la question est d'y croire. Ce n'est pas la trimballe qui compte, pour reprendre le beau mot de Louis-Ferdinand Céline, mais de savoir la dire. Always we rambled, that river and I, all along your green valley I'll work till I die. My land I'll defend with my life if it be, cause my pastures of plenty must always be free. À New York, quand il arrive, Dylan joue et chante les chansons de tout le monde. Et son chant pour Woody, qui est sa chanson à lui, la seule. Il fera savoir à qui veut qu'il l'a chanté à Woody Guthrie, bien avant d'avoir vraiment rencontré Woody. C'est autre chose, c'est comme un testament à l'envers, c'est dire « voilà le chemin ouvert, voilà où je le reprends ». Ainsi Dylan s'offre, dès ses débuts, une autobiographie fictive, selon son héros. Dans le journal d'Itzy Young, au Folklore Center, ou lors de son premier passage radio, il dit avoir vécu enfant au Nouveau-Mexique, à Gallup, et d'y avoir été baigné dans les champs de cow-boys. Une autre fois, qu'adolescent, il a été pris dans un cirque, a voyagé dans toutes les villes de l'Ouest. C'est pour cela qu'il connaît tant de chansons. Et jusqu'en 1964, il dit être orphelin. Dylan mythomane ? Non. Celui qui chante est de toute façon orphelin. On a laissé arrière de soi l'enfant, le fils. Apprendre à chanter, c'est apprendre à se dépouiller. Et celui qui vient là, juste avec ses mots, son visage imberbe, ses mains précises sur la guitare, dire qu'il est orphelin, c'est juste faire le vide. Se laisser traverser depuis bien en amont de soi-même. Et c'est Woody Guthrie alors qui traverse, qui enseigne. Lui-même Guthrie, que transmet-il? Sinon ce qu'il a appris sur la route, ce qu'il a traversé des autres, des colères, des grèves, des visages de la détresse. Dylan, encore en 1966, parlant de ses premières semaines à New York, dira avoir vécu un temps de la prostitution mâle à Times Square. Exagération, bien sûr, mais c'est un système. Alors c'est chronique, dernière version en date, une histoire de plus. Heart-bursting road. Out of your dust bowl, westward we rode. Under deserts were hot. Il dit qu'il lui a fallu une heure et demie d'autobus pour aller jusqu'à l'hôpital où Woody Guthrie, 46 ans, agonise de cette maladie dite Corée de Huntington, qui a déjà emporté sa mère. Bob attend dans le parloir. On amène Guthrie sur un fauteuil. Il dit qu'il a sa guitare, que Woody lui dit les titres et que lui, Bob Dylan, 19 ans, lui joue ses chansons, celles des disques, Tom Joad ou l'accident de la vieille locomotive 97. Dans les chroniques, on comprend que ce n'est pas forcément la première semaine ni la deuxième de son séjour à New York que Dylan a pu remonter la piste jusqu'à Woody. Et il ne précise pas combien de fois il est allé à l'hôpital. Mais c'est là, autour de Woody Guthrie, qu'il fait connaissance de Ramblin' Jack Elliott, de Cisco Houston, et que les proches du chanteur le reconnaîtront, le gamin à l'accent du Nord, comme étant de chez eux. Et plus besoin alors de mentir ou d'inventer une histoire. On est frères, parce qu'on a une guitare et un harmonica, et qu'on porte les chansons de Woody. Le vrai fils de Woody, Arlo Guthrie, n'a que 13 ans ce début 1961. Dylan saura payer sa dette. Woody Guthrie, à bout de maladie, ne mourra qu'en 1967. Dylan sortira de sa réclusion pour aller chanter, en hommage, les chansons du vieux maître. Elles sont la racine de son premier disque, le socle de son travail. Reste, dans les chroniques de Dylan, ce qui en est une des plus belles pages. Les malades en uniforme rayé, dans l'hôpital. Et celui qui se croit poursuivi par des araignées tourne sur lui-même à l'infini en se claquant le ventre, les bras, les cuisses. « Je n'irai peut-être pas voir Woody aujourd'hui », écrit Bob Dylan, parlant de ce premier hiver à New York. Il pourrait y retourner, mais non. Il reste là, lit des livres. Il a le droit maintenant de chanter Woody Guthrie, puisqu'il en a chanté les chansons à l'auteur même. Dans un de ses premiers concerts enregistrés en 1963, alors que Dylan a tout juste basculé dans les chansons qu'il écrit lui-même, il s'arrête 7 minutes et parle de Woody Guthrie. Peut-être son plus bel hommage, parce qu'il ne chante pas mais parle. Poème improvisé, paroles qu'on offre, qu'on n'a pas préparé, mais à quoi l'intensité seule commande. This is called Last Thoughts on Woody Guthrie. When your head gets twisted and your mind grows numb, when you think you're too old, too young, too smart or too dumb. Je déteste ce genre de chanson qui te fait croire que tu n'es bon qu'à des conneries, que tu n'es rien pour personne, bon à rien, parce que trop vieux, trop jeune, ou trop gros, trop maigre, ou trop moche, trop ceci, trop cela, fonds de commerce, ta mauvaise chance, ta dérive. Moi, c'est pas mon truc de chanter des chansons pour prouver que le monde est de telle façon que si avant ça vous a cogné bien dur. Et fichu en l'air pour une douzaine de tours. On s'en fiche. La façon dont tu t'es cogné, fichu en l'air, ou que tu as tourné en rond. On s'en fiche de votre couleur, votre taille et comment vous êtes fait. Le dimanche, des amis de Guthrie, les Gleasons, sortent de l'hôpital. On se rassemble chez eux avec quelques autres musiciens. Il paraît que Guthrie écrit sur une carte « I ain't dead », je ne suis pas mort, et la donne à Dylan. Vrai ou pas, savoir. Là, malade, sur son lit d'hôpital, en pyjama rayé, Woody Guthrie sera encore une fois chanteur, même séparé de toute chanson, parce qu'un jeune type venu de Ebbing, Minnesota, et qui peut-être ne l'a visité qu'une fois, lui chante ses propres chansons, et ainsi s'invente lui-même, conquiert sa propre légitimité. Quand après 5 mois, Dylan reviendra pour la première fois à Minneapolis, c'est ce que diront tous ses copains. Il chantait les mêmes chansons, mais ce qui se passait, et la façon dont il posait sa voix, ça n'avait plus rien à voir, rien. Et personne pour avoir dit de Bob Dylan qu'il avait été fils indigne, qu'il n'avait pas su en hériter de Woody Guthrie, qui lui a apporté, avant même de commencer, l'histoire qu'il vous faut à vous-même, pour chanter. Qui lui a permis d'être orphelin. Jean-François Néolier, Julien Douminc, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre. Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté par François Bon. Demain, 4e épisode. Mr. Dylan's voice is anything but pretty.